tulipes et pas qui m'emmène vers la mort. Les souvenirs sont en moi comme une rage qui me dévore, me font mal pour toi, à qui je pense encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Tu me fais entrer inconsciemment dans l'envers du décor. J'ai le sentiment que mon cœur diabole, le démon est mon aimant. Il reste collé à mon sort, le malheur a ses plus beaux vêtements, brodé de sang et d'or, de sang et d'or, de sang et d'or, de sang et d'or. Je me suis familier, je m'agrandis mon corps, je n'ai jamais dû t'aimer. Heureusement j'ai eu tort, j'arrive pas à t'oublier. Peu importe les corps, peu importe les corps, peu importe les corps, peu importe les corps, peu importe les corps, peu importe les corps, peu importe les corps, peu importe les corps, peu importe les corps, peu importe les corps. Peu importe le corps, peu importe le corps.